soin de ma famille. J'ai toujours refusé d'être un pantin. De danser au bout d'un fil tiré par des gros bonnets. Je ne suis pas honteux de ma vie, mais je voulais que, quand ton heure viendrait, que ce soit toi qui tire les ficelles. Quand je rappe, tu peux pas dire que j'ai tort. Lève mon verre pour mes vieux gars, évite la fin pour les morts. Quand je rappe, tu peux pas dire que je suis lassant. Je lève mon verre pour mes frères, vite la fin pour les absents. Quand je rappe, tu peux pas dire que j'ai tort. Je lève mon verre pour mes vrais gars, évite la fin pour les morts. Quand je rappe, tu peux pas dire que je suis lassant. Je lève mon verre pour mes frères, vite la fin pour les absents. Sentiments contradictoires qu'il ne faut pas. Mais la vie à papa fait que je fais que des faux pas. Ah ouais, ça sert à rien de se morfondre. J'garde le sourire car la tristesse est profonde. Et dans le fond, c'est sûr que je la mettrai pas en avant, c'est navrant. Mais bon, bref, passons. Reprendre des vies pour la mort, ce n'est qu'un passe-temps. Ce qui paraît le fragile enfer, c'est qu'une question d'espace-temps. J'en sais tant, tant, mais j'en dis peu. En ce temps, il fait beau endurer tous les jours qu'il pleut. Et je vide le fond de mes verres pour pas vider mes larmes. Je reste de marbre, le silence, c'est mon âme. Je te parle pas tout, y'a plein de choses qui m'attirent. Je te jure que je te raconte pas tout et j'aurai trop de choses à dire. Tu seras à côté de moi dans la Aston Martin. Tu seras à côté de moi dans la Aston Martin. Et tu sais que t'oublieront tes faux potes. Moi je t'oublie pas, dans ma sacoche toujours tes photos. Et quand je les vois trop, c'est là que les fautes tombent. Mais ton corps comme mon cœur sont devenus fantômes. Quand je rappe, tu peux pas dire que j'ai tort. Lève mon verre pour mes vieux gars, évite la fin pour les morts. Quand je rappe, tu peux pas dire que je suis lassant. Je lève mon verre pour mes frères, vite la fin pour les absents. Quand je rappe, tu peux pas dire que j'ai tort. Je lève mon verre pour mes vrais gars, évite la fin pour les morts. Quand je rappe, tu peux pas dire que je suis lassant. Je lève mon verre pour mes frères, vite la fin pour les absents. Prépare paradis, cette vie n'est qu'une parodie. Mais dans le fond, papa, qu'est-ce qu'elle est parodie. Même avec Free, des moments, je peux pas mettre replay. Cherche les bonnes dates, mais y'a pas de film sur mon repas. 2012, laisse-moi dire que c'est pas dément. Si j'ai pas chance, c'est que mes sangs sont mes démons. À cette heure-ci où j'écris, peut-être tu penses que ça démonte. Mais la vérité, papa, c'est que tout ça ne reste que des mots. Celui qui me protégera, ce sera peut-être toi. J'ai pas changé de numéro, donc si t'as l'occasion, texte-moi. Ou mieux, viens faire un tournant. On se casse à Vegas avec l'as. Ou on reste à l'embas juste à boire un féca. Jésus est revenu sur terre, est-ce que tu peux pas faire ça? Fond délire, on ferait 40 tours, m'en fait une perte, dure plus que 40 jours. Avec ce texte, je vais bientôt en finir. Rappelle-toi que la vie est courte, mais que la mort est infinie. On devait s'attraper dans 3-4 jours. Deux jours plus tard, on m'a dit c'est trop tard, je te verrai plus. Mais pour toujours, je retiens plus marquant. Quand j'ai des coups de la crosse, des larmes crocodile. Pourtant, à côté de moi, pas designer de la cote. Overdose sentiment, à croire que j'ai tapé de la coque. J'entends pas la bonne voix pour entendre la tienne. J'appelle ton répondeur, un verre de Jack Scott à la main. Un verre de Jack Scott à la main. J'sais que tu me regardes en haut, donc je laisse toujours une gorgée pour toi à la fin. Quand je rappe, tu peux pas dire que j'ai tort. J'lève mon verre pour mes vieux gars, évite la fin pour les morts. Quand je rappe, tu peux pas dire que je suis lassant. J'lève mon verre pour mes frères, vite la fin pour les absents. Quand je rappe, tu peux pas dire que j'ai tort. J'lève mon verre pour mes vieux gars, évite la fin pour les morts. Quand je rappe, tu peux pas dire que je suis lassant. J'lève mon verre pour mes frères, vite la fin pour les absents. Y'a trop de choses, trop de choses. Faut que je te dise, suis tombé dans, tu m'as prévenu de faire attention à la tisse. Si avec elle tu pâtis, c'est bête comme faire un vol à la tire. Si avec elle tu pâtis, c'est bête comme faire un vol à la tire. Tu mens, sans mentir, l'attente a même vu une meulard sortir. Tu vas peut-être dire que c'est sordide. J'ai compris ce que tu voulais dire quand tu me disais que c'est vice, faut en sortir. Je pourrais faire les choses mieux et c'est pourri. Je pense qu'on aurait pu vivre mieux. Tu le sais et je le sais que je me prétends fort. Ça fait si peu de temps et reste. On a déjà pris mon cœur, j'attends que la mort emporte le reste. T'avais encore des conseils à me donner, des fous rires. Je suis passé à des faux rires, mais bon, ça tu connais. On n'a pas eu le temps de réussir, je vais le faire à tel point que t'auras envie de ressusciter. C'est des larmes que tout ça suscite. Un an, 8 mois, c'est que le début. Tant que je serai debout, il y aura des suites. C'est que le début, tant que je serai debout, il y aura des suites.